Mimésis. Chapitre 6. Prise au piège. Il fait presque noir. Ma tête est lourde et mon corps endolori. J'essaye de me lever, mais les forces me manquent. Alors, sans bouger, je scrute les lieux et laisse mes yeux s'habituer un peu à l'obscurité. Je me trouve dans une pièce vide, avec des miroirs plein les murs, brisés pour la plupart, et des charnières rouillées qui ne portent plus rien depuis longtemps. On dirait une vieille salle de danse. Pas d'issue, si ce n'est un puits à plusieurs mètres de hauteur qui laisse couler une maigre lumière blanchâtre. Est-ce qu'on me retient prisonnier ? Le plafond s'allume avec une lumière super violente. Je fourre la tête dans le creux de mon bras. Oh. J'ai l'impression que ma rétine est en feu. Bonjour, inspecteur. Je vois que vous avez repris conscience. Cette voix, c'est la meuf de mon rencard. J'essaie d'ouvrir les yeux en les plissant beaucoup. Personne. Je cherche un haut-parleur, une caméra. Ne vous fatiguez pas, inspecteur. Je suis là. Une vibration au fond de mes oreilles. J'enfonce un doigt pour fouiller le conduit. C'est bien ça. On m'a laissé mes intras. Je tire une paupière. Ça gratte. Je crois que j'ai encore mes lentilles. N'y touchez pas, inspecteur. C'est encore frais. Sans rentrer dans les détails, disons que nous vous avons greffé vos extensions. Question de sécurité, vous comprenez ? Mais qu'est-ce qu'elle raconte ? Je triture mes intras, voudrais les extirper. Putain, sa mère ! Je touille ! Je ne ferais pas ça si j'étais vous. Tout à coup, la douleur se fait insupportable. Mes oreilles, mes yeux, tout me brûle, boue de l'intérieur. Je commence à paniquer, parviens à me lever et me cogne contre les parois en béton. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un derrière ces miroirs. Aidez-moi ! Je vais crever ! La lumière s'éteint brutalement. La douleur est partie. Je suis au sol, en train de chialer comme un gosse. Je crois que mes oreilles saignent. La voix s'est tue. Et à la place, une musique douce sort de mes intras, genre méditation. C'est une blague. Je voudrais gueuler de toutes mes forces, mais tout ce que j'entends, c'est un gémissement plaintif, comme le râle d'un asthmatique. Épuisé, je m'affaisse, dos au mur, et essaye de me calmer en contrôlant ma respiration. Voilà. Comme ça. J'ai dû m'endormir sans m'en rendre compte. Quelques minutes, quelques heures. La pièce est toujours plongée dans le noir et personne ne répond à mes suppliques. Mes oreilles me lancent encore un peu, mais rien de comparable avec la torture de tout à l'heure. C'est ça ? On me torture ? Mais pourquoi ? Je repense à ma brève formation militaire. J'ai jamais fini au trou, mais je sais comment ne pas craquer. Rester résilient. Mais toujours envisager le pire. Quelque chose vient de s'activer. Le béton est comme découpé et révèle dans l'embrasure un garde qui me menace. D'un geste, il me demande de le suivre. J'ai envie de me ruer sur lui, lui piquer son flingue à la ceinture, mais qu'est-ce que je raconte ? J'ai même pas de pantalon. Inspecteur ? Cette voix. Je sens que votre cœur s'emballe, inspecteur. Vous avez peur, c'est normal. Soyez raisonnable et tout ira pour le mieux. J'aimerais que vous nous rejoigniez dans l'autre pièce. J'ai quelque chose à vous montrer. Mes oreilles se dressent rien qu'en pensant à la brûlure de tout à l'heure. Je prends sur moi et me lève, docile. Le garde agite son flingue. Je le suis, prudent. De l'autre côté, une salle toute en longueur, avec au fond une porte en métal par où s'échappe mon geôlier, me laissant seul à nouveau. Sur une table, je suis surpris de retrouver mes affaires. Nous avons rassemblé vos effets personnels. Vous y trouverez même votre arme de service. Les apparences sont contre nous, je l'admets. Mais vous comprendrez bientôt que nous ne sommes pas vos ennemis, inspecteur. Derrière cette porte, c'est la rue. Vous pouvez l'ouvrir. Elle n'est pas fermée à clé. Vous ? Qui êtes-vous ? Plus tard. Dehors, vous pourrez me demander ce que vous voudrez. Après tout, posez des questions. C'est ce que vous savez faire de mieux, non ? Dans ma tête, ça fuse dans tous les sens. Quelques minutes encore, je pensais limite y passer, mais là, je sais plus trop quoi penser. Sur la table, c'est vraiment mes fringues, ma plaque et mon couteau. Je m'habille, inspecte mon arme. Elle est chargée. Ça n'a aucun sens. Avec prudence, je me dirige jusqu'au bout du couloir. Pousse la porte du pied qui s'ouvre sur l'extérieur en grinçant. La voix n'a pas menti. C'est bien la rue devant moi. Quelques passants me jettent un œil inquiet avant de presser le pas à l'air de rien. Je crois que je ferais pareil si je me voyais. Je fourre mon arme dans son étui et quitte définitivement le bâtiment. À première vue, je suis quelque part en banlieue, mais j'ignore où. Ces bleds se ressemblent tous. Comme si elle lisait dans mes pensées, l'autre me répond. Vous êtes à 100 km du centre, inspecteur, dans les bas-fonds. C'est mieux pour vous. La police n'a pas encore lancé d'avis de recherche. Ils veulent régler ça en famille, visiblement. Nous avons réussi à effacer vos traces, mais ça ne durera qu'un temps. Enfin, ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre. Vous ? Comment ? Pourquoi ? Je représente un groupe pour qui vous êtes précieux, inspecteur. Nous avons besoin de votre aide. Et vous, vous avez besoin de la nôtre. Vous voulez dire que... Nous sommes des fugitifs, tout comme vous, inspecteur. Qu'on nous attrape, elle je s'arrête. En attendant, je resterai à vos côtés. Vous pourrez me parler à tout moment, même à voix basse. Je vous entendrai via votre mâchoire. Vous, en retour, serez le seul à savoir que je suis là. Vos intras sont discrets. Personne ne les remarquera. Considérez-moi comme votre assistante personnelle. Mieux, votre partenaire. Et si je refuse ? C'est votre choix, inspecteur. Mais je vous le déconseille. Ça ne serait pas beau à voir.